Bélier, ne vous aventurez pas dans des investissements hasardeux, tablés sur du solide et du long terme. Taureau, pratiquez une activité sportive, vous êtes trop sédentaire. Gémeaux, Vénus vous insuffle son lot de friandises sucrées et tendres, vous flottez sur un petit nuage de félicité. Cancer, votre météo sentimentale est ensoleillée, Vénus fait un zoom avant sur vos amours tandis que Mars réveille votre libido endormi. Lion, le duo céleste Mars-Vénus vous invite à la passion. Les couples ressoudent leur entente en roucoulant tendrement. Vierge, les célibataires font des rencontres imprévues qui enflamment leur cœur. Balance, Mercure encourage vos démarches professionnelles. Scorpion, vous avez de bonnes idées et le dynamisme nécessaire pour enclencher de nouveaux projets. Sagittaire, vous êtes très relations publiques en ce moment. Vos contacts vont vous permettre d'élargir votre champ d'action. Capricorne, vous bénéficiez d'une conjoncture céleste bénéfique, profitez-en sans modération. Verseau, vous récoltez les fruits de vos initiatives professionnelles en ce moment. Poisson, vous avez besoin de prendre du recul et de vous ressourcer avec l'élu de votre cœur.